Exercice 8. A. C'est une chose très importante. B. Combien en avez-vous acheté? C. Vous êtes arrivé à quelle heure? D. À 3h30 ou à 5h? E. Chloé en a créé une autre.